الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اعلموا أنكم موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة ومسؤول في ذلك اليوم العظيم فيوم القيامة يوم سؤال ومن علم أنه موقوف وأنه مسؤول فليعد للمسألة جوابا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقال سبحانه وقفوهم إنهم مسؤولون وقال سبحانه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يقول التابعي الجليل رحمه الله تعالى أبو العالية كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون يسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين أما جواب الأولى فبتحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا وأما جواب الثانية فبتحقيق أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة وإقرارا وطاعة وأول ما يكون عنه السؤال يوم القيامة من الأعمال يا عباد الله عن الصلاة المكتوبة التي هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام والفرق الذي بيننا وبينه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر الحديث يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وللعبد موقفان بين يدي الله عز وجل موقف في الدنيا وهو في صلاته وموقف يوم القيامة فإن قام بحق الأول هون عليه المقام الثاني وإن استهان من الأول شدد عليه فنسأل الله عز وجل أن يهون علينا الوقوف يوم القيامة أيها المؤمنون وعن السمع والبصر والفؤاد نسأل يوم القيامة هل استعملنا هذه الحواس في طاعة الله أم في عصيانه قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أيها الناس، وعن العمر والعلم، وعن العمر والعلم والمال والجسد نسأل يوم القيامة. أخرج الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فعن هذه الأمور نسأل يوم القيامة يا عباد الله. وعن النعيم أيها المؤمن نسأل يوم القيامة عن النعيم التي متعنا الله سبحانه وتعالى به في الدنيا من صحة جسم وطيب مطعم ومشرب ومسكن ومركب. قال الله سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فإياكم واستعمال هذه النعم في معصية المولى جل وعلا، فاتقوا الله وكونوا من الشاكرين. ويوم القيامة أيها المؤمنون يسأل الله عز وجل كل راع عما استرعاه، أناصحا كان أم غشا مضيعا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته؟ هكذا الأمير يسأل عن أهل بلده، والرجل عن أهل بيته، والمرأة عن بيت زوجها وولده. فهذا مصير الجميع، فهذا مصير الجميع، فاستعدوا يا عباد الله. وعن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتقوا الله ولو بشق تمرة. رواه البخاري ومسلم. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وازنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في حزب الحساب غدا. وتزينوا ليوم العرض على الله، يوم تعرضون لا تخفى عليه منكم خافية. فهذه موعظة عظيمة، فهذه موعظة عظيمة من الفاروق رضي الله عنه. فاستعدوا للسؤال يوم القيامة يا عباد الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Sachez mes chers frères que nous allons devoir tous comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et cela le jour de la résurrection, afin d'être interrogé et questionné. Allah tabaraka wa ta'ala viendra le jour de la résurrection Allah tabaraka wa ta'ala viendra pour juger entre ses serviteurs et ils seront interrogés et questionnés. Et celui qui sait qu'il sera arrêté et interrogé se doit de préparer les réponses à l'ensemble de ces questions. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre selon la traduction des sens de ces versets: mais par ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils faisaient, sur ce qu'ils ont accompli. Donc on sera tous questionnés yawm al-qiyamah. Après ce verset de surat al-Hijr, dans surat al-Isra, il nous dit subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens: et arrêtez-les, ils seront interrogés. Et arrêtez-les afin qu'ils soient interrogés. Il nous dit aussi dans surat al-Takathur: puis ce jour-là, ils seront interrogés sur les bienfaits, sur les plaisirs, c'est-à-dire de ce bas monde. Allah Azza wa Jal questionnera ses serviteurs. Un des pieux prédécesseurs, Abu al-Aliyah, rahimahullah ta'ala, nous dit: sur deux paroles, l'ensemble des premières générations et des dernières seront interrogées. La première: qu'avez-vous donc adoré? Et la deuxième: qu'avez-vous donc répondu au messager? Quant à la première réponse, elle se concrétise en mettant en pratique et en ayant la science de la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah, en adorant Allah uniquement et cela d'un culte sincère et en reconnaissant qu'il est le seul à mériter entièrement l'adoration. Quant à la deuxième parole, elle se concrétise avec Muhammadur Rasulullah, en reconnaissant que Muhammad est le messager d'Allah avec science et application de sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Sur cela, on sera tous questionnés. Et la première question qui sera adressée aux serviteurs concernant les actions est relative à la prière obligatoire. La première chose sur laquelle nous serons interrogés, c'est en relation avec nos actions, les actes d'adoration, c'est la prière obligatoire. Ce deuxième pilier de l'islam, ce grand fondement de l'islam, Abu Hurayra radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, la première chose sur laquelle vous serez jugé le jour de la résurrection en matière d'action est la prière. Si elle est bonne, alors le serviteur aura réussi. Si elle est bonne, le serviteur aura réussi et sera sauvé. Et si elle est mauvaise, il aura perdu et sera anéanti. Puis, si il a des défauts dans cette prière, on dira: regardez si mon serviteur a des actions en plus des actions recommandées, c'est-à-dire en plus des prières obligatoires, des prières recommandées. Et s'il en a, on va venir compléter les imperfections qu'il avait dans sa prière pour pouvoir le sauver. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: le serviteur comparaît à deux reprises devant son Seigneur. La première dans ce bas monde lorsqu'il se tient debout devant lui dans la prière. Et la deuxième le jour du jugement dernier lorsqu'il sera jugé. S'il parfait la première station devant son Seigneur dans la prière, alors la seconde lui sera facilitée. C'est-à-dire si tu fais correctement la prière, alors Allah va te faciliter le jugement le jour du jugement dernier. Et dans le cas contraire, alors ça sera que plus difficile pour lui. Sachez mes chers frères qu'on sera également questionné sur la vue, sur l'ouïe et sur le cœur le jour du jugement dernier. Ces sens qu'Allah Azza wa Jal nous a accordés pour pouvoir voir et entendre, et ce cœur qu'il nous a accordé pour pouvoir raisonner et méditer, sur ces choses-là on sera questionné le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Isra nous dit, selon la traduction des sens de ce verset: et ne suis pas ce dont tu n'as pas science, certes, sur la vue, ou bien pour sur lui, sur la vue et sur le cœur, sur tout cela vous serez interrogés. Donc on sera questionné sur cela. Est-ce qu'on les a utilisés dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, ou est-ce qu'on les a utilisés dans sa désobéissance? Mes chers frères, on sera également questionné sur notre vie. On sera questionné sur notre vie, sur notre science, sur notre argent et sur notre corps. Une question pour chacune de ces choses-là et deux questions pour l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte Abu Barza, radiallahu anhu: personne ne franchira la station du jour dernier sans qu'il ne soit questionné, interrogé sur sa vie, dans quoi est-ce qu'il l'a passé, sur sa science, qu'en a-t-il fait, sur son argent, d'où il l'a obtenu et dans quoi il l'a dépensé, et sur son corps. Et sur son corps, sur tout cela, mes chers frères, nous serons interrogés le jour du jugement dernier. Et personne parmi les serviteurs d'Allah ne pourra franchir la place avant d'avoir répondu à cela. Aussi, mes chers frères, on sera questionné sur les bienfaits qu'Allah nous octroie dans ce bas monde, sur la santé des corps, sur la subsistance, la nourriture, la boisson, sur l'appartement, sur la monture, la voiture, et tout ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a accordé comme plaisir dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre: Al-hakum al-takathur, ay shalakum al-takathur. Allah Azza wa Jalla nous dit: vous avez été distrait par le fait d'amasser les choses. Et à la fin, il nous dit: puis vous serez interrogé ce jour-là sur les bienfaits, sur les délices. Il nous faut donc être des serviteurs reconnaissants et ne pas utiliser les bienfaits d'Allah dans sa désobéissance. Mes chers frères, on sera interrogé également le jour du jugement dernier sur la responsabilité et l'amana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah va questionner chaque berger sur son troupeau, sur sa responsabilité. Est-ce qu'il l'a préservé ou est-ce qu'il l'a délaissé? Au point où on questionnera l'homme sur sa famille. On questionnera l'homme sur sa famille. Et Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma nous dit: sachez que vous êtes tous responsables et chacun sera questionné sur sa responsabilité. Donc le gouverneur sera questionné sur son peuple, l'homme sur sa famille, la femme sur la maison de son époux et ses enfants. Tout le monde sera interrogé. Voici la finalité de chacun d'entre nous. Wallahu musta'an. Et Adi ibn Hatim radiallahu anhu nous dit: il n'y a pas une personne sans qu'Allah lui parlera. Il n'y a pas une personne qui viendra le jour dernier sans que son Seigneur ne lui parle. Et il n'y aura aucun traducteur entre les deux. Allah va s'adresser à lui. Le serviteur regardera à droite, il ne verra que ses actions qu'il a avancées. Il regardera à sa gauche, il ne verra que ses actions qu'il a avancées. Et il regardera en face de lui, il ne verra que le feu en face de lui. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: prémunissez-vous donc du feu, ne serait-ce qu'en donnant en aumône la moitié d'une date. Voici les questions qui ne seront adressées yawm al-qiyamah. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu nous exhorte en disant: faites vos propres comptes avant qu'on ne les fasse pour vous-même et pesez vos actions avant qu'elles ne soient pesées. Cela sera plus simple pour vous pour le jugement demain et embellissez-vous pour le jour où vous serez présenté à Allah. Embellissez-vous pour le jour où vous serez présenté à Allah, le jour où chaque personne sera présentée à Allah et aucune de vos actions lui seront cachées. Et parmi les grandes exhortations que nous rapporte Abu Nu'aym rahimahullah ta'ala dans son livre Hilyatul Awliya, l'histoire de Fudayl ibn Iyad, un des tabi'in rahimahullah, il a rencontré un homme, une personne âgée, et il lui a dit: quel âge as-tu? Il lui a dit: 60 ans. Il lui a dit: 60 ans. Cher père, écoutez cette exhortation, elle vous est adressée. Il lui a répondu: 60 ans. Puis Al-Fudayl ibn Iyad lui a dit: cela signifie que ça fait 60 ans que tu es en voyage vers Allah et il s'en faut de peu pour que tu atteignes ta destination. Alors l'homme a dit: inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est Allah que nous appartenons et c'est vers lui que se fera notre retour. Puis, Al-Fudayl ibn Iyad lui a dit: ta'lamu ma taqoul. Est-ce que tu sais ce que tu dis? L'homme a répondu: qult inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je dis: c'est à Allah que nous appartenons et vers lui que se fera notre retour. Alors, Al-Fudayl ibn Iyad lui a dit: awa ta'lamu tafsira. est-ce que tu comprends le sens de cette parole ? Et l'homme de lui répondre, Fassirhu li ya Aba Ali. Il lui a dit, explique-moi cette parole, ô Abu Ali. Alors, Al-Fudayl ibn Iyad lui a dit, Qawluka inna lillah. Ay ana lillahi abd. Cette parole, inna lillah, nous appartenons à Allah, ça veut dire que nous sommes ses serviteurs. Nous sommes soumis à Allah, nous sommes ses serviteurs. Wa qawluka wa inna ilayhi raji'un. Quant à ta parole, et c'est vers lui que tu feras notre retour, cela signifie, ana ila rabbi raji'. Ana ilayhi raji'. Cela signifie que je vais revenir vers mon Seigneur. Je vais revenir vers Allah. Fa idha 'alimta annaka lillahi 'abd wa annaka ilayhi raji', fa'lam annaka mawquf wa mas'ul. Puis Al-Fudayl ibn 'Iyad rahimahullah ta'ala lui a dit, si tu sais que tu appartiens à Allah et que vers lui tu retourneras, sache que tu devras comparaître devant lui, sache que tu seras donc interrogé, sache que tu seras interrogé. Alors prépare la réponse aux questions. Alors prépare la réponse aux questions. Puis l'homme lui a dit, Malhila ya Aba Ali, comment m'en sortir, ô Abu Ali? Alors Al-Fudayl ibn 'Iyad rahimahullah ta'ala lui a dit, Ahsin fi ma baqi, yughfar laka ma mada wa ma baqi, wa in asa'ta fi ma mada, wa in asa'ta fi ma baqi, أخذت على ما مضى وما بقي رحمه الله تعالى يا لها من موعظة. Puis l'homme a eu peur des propos de Al-Fudayl ibn 'Iyad et il lui a dit, comment m'en sortir? Et Al-Fudayl ibn 'Iyad lui a répondu, agis avec excellence pour ce qu'il te reste à vivre et tu te verras pardonné pour tes péchés passés et futurs. Et dans le cas contraire, si tu persistes dans le mal et tu agis mal pour ce qu'il te reste à vivre, tu seras puni pour tes actions passées et tes actions futures. Voici l'exhortation d'Al-Fudayl ibn 'Iyad. Nous devons en tirer profit et préparer nos réponses pour le jour où nous allons comparaître chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant même d'être ressuscité yawm al-qiyamah, on sera questionné dans nos tombes. On sera questionné dans nos tombes. Lorsque nos compagnons et nos familles nous auront enterrés dans nos tombes et qu'ils seront retournés dans leur foyer, il y a deux anges qui vont venir nous faire nous asseoir et nous questionner à trois reprises. La première question, Men Rabbou, qui est ton Seigneur? La seconde, Ma'adin, quelle est ta religion? Et la troisième, Ma'ada ta'koul, fi hada rajul alladhi bu'itha fikum, que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Le croyant, celui qui a cru en Allah, l'a unifié d'un culte sincère et a suivi et a cru le prophète alayhi salatu wassalam Muhammad ibn Abdillah, répondra Rabbi Allah, digne à l'islam, wa huwa Muhammadun Rasulullah. Quant au croyant, il répondra, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et cet homme qui nous a été envoyé est Muhammad, le messager d'Allah. Alors il obtiendra la réussite et une joie incommensurable dans ce bas monde et dans l'au-delà. Wa billahi tawfiq. Wa sallallahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ayn. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Allahumma ishfi mardana wa ardhal muslimin. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا هذا نخير من الله سبحانه وتعالى va subir une opération du cœur. Et il vous demande d'invoquer Allah Azza wa Jal en sa faveur. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala farrija anhu wa yashfiyah. Et d'autres parmi les malades vous demandent d'invoquer Allah en leur faveur. Shafahumullah. Et comme vous l'avez entendu, il y a eu de nombreux travaux pour notre mosquée qui s'élève à environ 25 000 euros. Donc on demande à chacun de faire un effort selon ce qu'Allah Azza wa Jal lui a facilité. Wa billahi tawfiq. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.